Vous écoutez donc Futur Simple au CKRL au 89.1 et comme l'a dit François, nous envolons tout de suite direction le Nicaragua. Donc l'an dernier, 10 étudiants en sciences de l'eau de l'INRS ETE ont monté un projet scientifique et humanitaire pour l'accès à l'eau dans une communauté agricole du Nicaragua. Et là, ils ont fait une découverte surprenante. L'eau consommée par les habitants était contaminée, mais la source principale de la contamination était peut-être le dernier endroit où on l'attendait. Alors, pour en savoir plus, deux participantes au projet sont ici pour nous en parler. Donc, il s'agit de Valérie Ouellet, étudiante au doctorat en éco-hydraulique à l'INRS ETE, et Anne Crémazy, étudiante au doctorat en éco-toxicologie aquatique également à l'INRS ETE. Donc, toutes deux membres de ce projet au Nicaragua. Alors, bonjour à toutes les deux. Bonjour. On va commencer peut-être de façon plus générale par dresser un bilan de l'accès à l'eau potable en 2012. Est-ce que c'est encore une situation mais à quel point est-ce que c'est une situation préoccupante, donc de façon générale dans le monde? Oui, bien en fait, c'est ça. Souvent, on va penser que c'est juste ailleurs dans le monde qu'on se préoccupe de l'eau potable, mais même au Québec, on a un réseau de distribution et d'approvisionnement en eau potable qui est vraiment bien structuré. On se préoccupe aussi de l'eau potable à ce niveau-là, mais c'est sûr que c'est pas les mêmes problématiques, mais par exemple, avec les algues bleues, on se préoccupe du fait que ça peut compromettre la qualité de l'eau potable, mm-hmm. et des bas niveaux d'eau comme on a connu cette année. C'en est un bon exemple sur le fleuve. Ça fait qu'il y a des gens qui commencent à se demander est-ce qu'on va avoir des problématiques d'eau potable ici au Québec aussi, mm-hmm. à ce niveau-là. Par contre, c'est sûr qu'à l'échelle mondiale, les rapports de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé et des fonds des Nations unies pour l'enfance, rapportent qu'il y a plus de 1,1 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable dans le monde. On ne parle même pas de qualité de l'eau, accès. On parle vraiment d'un accès. Puis évidemment, les zones les plus touchées, c'est souvent les zones rurales de ces pays-là qu'on dit des pays émergents. Ouais. Et donc, plus précisément, puisque votre étude concerne le Nicaragua, qu'est-ce qu'il en est au Nicaragua? Il faut savoir que le Nicaragua, c'est le deuxième pays le plus pauvre des Amériques. Donc, déjà là, on parle d'un pays qui n'a pas beaucoup de ressources à ce niveau-là. Donc, ça fait qu'il y a un quart de la population du Nicaragua qui n'a pas accès à l'eau potable. Ce qui est paradoxal parce que c'est un pays où il y a un réseau hydrique vraiment développé. Mm-hmm. Et ils ont un des plus grands lacs, en fait, d'eau douce des Amériques, le lac Nicaragua. Pour vous donner une idée, le lac Nicaragua, ça peut un peu plus de 8 fois le lac Saint-Jean. Ah oui, donc c'est pas un petit lac, là. Il y a de l'eau là-dedans. On parle vraiment, c'est ça, de beaucoup d'eau. Ouais. Puis il a même été qualifié par les autorités du pays de future réserve nationale d'eau potable. Mm-hmm. Donc, il y a de l'eau potable, mais et le projet s'est déroulé dans une communauté rurale. Est-ce que c'était proche de ceux-là? Qu'est-ce qu'ils avaient accès à cette eau potable? Oui, alors le projet s'est déroulé dans une communauté agricole qui s'appelle Charco Muerto et qui est située justement sur une péninsule du lac Nicaragua. Donc c'est une communauté qui est composée d'une vingtaine de familles qui vivent principalement de la culture du riz, de fèves, de la pêche et aussi mm-hmm. un petit peu de tourisme équitable. Et donc il faut savoir en fait les membres de cette communauté vivent dans des conditions qui sont très simples. Ils n'ont pas accès à l'électricité et ils n'ont pas accès à un réseau de distribution de l'eau potable. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils consomment l'eau du lac Nicaragua après filtration sur des filtres en sable. D'accord, donc filtre en sable, donc ça veut dire qu'ils avaient un système pour eux-mêmes, qu'ils mettaient en œuvre eux-mêmes pour filtrer l'eau et avoir quand même de l'eau potable. Oui, c'est ça, ils avaient ça quand on est arrivé là-bas. En fait, ils ont construit des filtres sur le modèle d'anciens filtres en sable qui leur a été offert par Vision Mondiale il y a plus de 10 ans, mais qui se sont brisés depuis. Donc ils ont reconstruit les filtres et pour vous décrire ça, c'est de grands seaux en plastique, là, remplis d'une épaisse couche de sable qui provient de la plage de la péninsule, donc aux abords du lac Nicaragua. Et donc chaque famille de Charco Muerto possède un filtre. Et ils les utilisent depuis au moins 10 ans maintenant pour filtrer l'eau du lac. Mais ils avaient des doutes sur la qualité de l'eau filtrée. Alors, ils avaient entendu dire que l'eau du lac était très contaminée et aussi lors de la saison des pluies, elle avait parfois une drôle d'odeur, mm-hmm. une drôle de couleur, c'est un mauvais vrai. Goût. Elle leur a mis la puce à l'oreille qu'il y avait quelque chose de pas très normal. C'est ça. Et donc voilà, ils étaient vraiment pas sûrs si leur filtre était capable en fait de filtrer efficacement cette eau-là. Donc de là est parti votre projet de comprendre ce qui se passait, de trouver une autre solution. Oui, c'est ça. En fait, comment ça a débuté, c'est que ils ont confié, les gens de la communauté de Charcot-Marteau ont confié leurs doutes à un organisme de solidarité internationale québécois qui travaille souvent au Nicaragua, qui s'appelle AVES, Alternance de Vie et d'Éveil Social. Et donc Valérie, faisant partie d'AVES et étant en même temps étudiante à l'INRS ETE, elle a eu l'idée de proposer en fait le projet à des étudiants de son cursus. Mmh. Et donc il y a 10 étudiants qui sont portés volontaires pour donc former le groupe au Nicaragua. Alors donc le projet est né et ensuite comment il s'est déroulé? Bien, en fait, sur le terrain, on est parti en août 2011. Mm-hmm. On a été là-bas pendant presque un mois. Mais il faut savoir que le projet, en fait, c'est pas juste la réalisation de terrain. En amont de ce moment-là, au Nicaragua, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. De la recherche de commanditaires, avoir accès aux bonnes informations. Il y a vraiment tout un plan là, scientifique qui a été mis en œuvre. Pour vous donner une idée, des fois, des informations qui peuvent être difficiles, bien, il fallait ramener des échantillons de poissons et d'eau au Canada en passant à la fois par les douanes américaines et canadiennes, mm-hmm. juste d'avoir cette information-là sur, et de s'assurer aussi, que parce que là, on partait avec toute une panoplie de matériel scientifique, donc mm-hmm. s'assurer qu'on pouvait traverser les frontières, juste avoir l'information, les bons papiers, tout ça, ça a été un énorme casse-tête. Mm-hmm. Donc, juste ça, c'était complexe. Puis, sur le terrain, comment ça s'est déroulé concrètement? En fait, on habitait avec les gens directement dans les familles, donc on a partagé leur rythme de vie pendant un mois. Et là, on échantillonnait l'eau et ainsi que les poissons. Pourquoi les poissons? C'est qu'on voulait voir s'il y avait des traces de métaux et de pesticides. Ah, parce qu'ils pouvaient avoir eux-mêmes accumulé. Exact. Comme c'est une ouais. des principales sources d'alimentation, ouais. bon, on s'est dit que c'est important mm-hmm. de ouais, parce de que les habitants ça. Boivent l'eau, mais consomment le poisson aussi. Donc, on fait les mesures au site où eux vont chercher leur eau, à la sortie des filtres aussi, parce que nous, on s'intéressait aussi à connaître l'efficacité de ces ouais. filtres-là. Puis, essayer de voir aussi si les filtres pouvaient enlever les bactéries, là, comme un colis, les entérobactéries, les coliformes totaux. Puis, on a mis des échantillonneurs dans l'eau aussi qui nous permettaient là, de faire des analyses un petit peu plus poussées. D'ailleurs, leur pause, ça a été quand même tout un défi. Comme je vous ai dit tantôt, le lac est vraiment énorme. Donc, on avait de la vague. Souvent, quand on sortait, mmh. c'était dans des conditions assez mouvementées. Ouais. Donc, entre le mal de mer de certains coéquipiers puis la perte de matériel due à ces, ah ouais. ces choses un Est-ce peu qu'il plus complexes. Sur ce lac. Oui, c'était pas toujours évident. Ah ouais. Puis, il a fallu s'adapter. En fait, même quand on a disséqué les poissons, il y a plusieurs personnes de l'équipe qui étaient habituées à le faire, mais en laboratoire, ouais, en fait. Donc, avec un petit bac de glace, etc. Exact. Ventilé. Là, on se ramassait à 40 degrés. Après quelques heures, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de membres de l'équipe. Ça sent pas bon? Non. Qui commençaient à avoir le visage un peu vert. Puis, comme on mangeait beaucoup de poissons nous-mêmes, tout d'un coup, là, la soupe de poisson qu'on savait qu'on allait avoir au prochain repas était un petit peu moins appétissante. Certainement, oui. Je peux comprendre ça. Et donc, tous ces échantillons donc, d'eau que vous avez échantillés aux différentes étapes de purification, si je comprends bien, aussi dans la source même, ben, oui. Dans le lac, les poissons, vous les avez analysés là-bas sur place? Une partie seulement. Il y a une partie qui a été analysée directement dans la communauté. En fait, ce qu'on pouvait faire sur place directement, on le fait. On avait aussi développé un partenariat avec le Centre des ressources aquatiques de l'Université de Managua, en fait, de la capitale, mm-hmm. Pour faire une partie des analyses là-bas. Puis, ce qu'on pouvait pas, là, comme certains échantillons de poissons, par exemple, pour les métaux, les pesticides et certains échantillons d'eau, bien, on les a ramenés au Canada. On a fait les analyses à l'INRS. Mm-hmm. Puis ensuite, on a compilé tous les résultats, puis on s'est mis à la recherche là, de solutions en fonction de ce qu'on avait trouvé. Alors, qu'est-ce qui ressort de ces analyses? Alors, déjà, on n'a pas détecté de pesticides dans l'eau, ni dans les poissons consommés. Et les concentrations en métaux comme le mercure, l'arsenic étaient aussi en dessous des normes de l'OMS pour l'eau potable. Donc, c'était une bonne nouvelle. Ouais, vraiment une très bonne nouvelle. On était contents là-dessus. Par contre, on a trouvé un nombre vraiment très important, donc supérieur aux normes de l'OMS, de coliformes totaux, E. coli, entérobactéries, mm-hmm. dans l'eau du lac et aussi, ça c'est surprenant, dans l'eau à la sortie des filtres. Donc, ça veut dire que le système de filtration sur le sable que mmh. les gens là-bas renouvelaient, remettaient en place, il n'était pas efficace. Alors, en fait, c'était pire que ça. Le nombre de bactéries était beaucoup plus important, en fait, dans l'eau filtrée que dans l'eau non filtrée. On avait parfois un facteur 10 000 d'augmentation. Ah oui? Ouais. Donc là, ça veut dire que, en fait, c'est un filtre qui fonctionne à l'envers. Si je comprends bien, l'eau filtrée, il multiplie. C'est ça, en fait. Et c'était vraiment le cas pour tous les filtres qu'on a testés. On a quand même testé les filtres de beaucoup de familles. Mmh. Et donc, c'est ça, en fait, les filtres empiraient la situation. Puis pour vous donner une idée de la mauvaise qualité de leur eau filtrée, en fait, les concentrations en bactéries dans celle-ci étaient parfois supérieures aux normes qu'on a au Québec pour la bénéficier. baignade. Donc, en fait, on se baignerait même pas, dans l'eau qu'ils boivent. Ouais, c'est impressionnant, ça. Donc, mais comment ça s'explique? C'est quand même paradoxal. Ouais, c'est vraiment... Bah, alors, pour l'expliquer, en fait, il faut comprendre les principes de fonctionnement de ces filtres à sable. Et c'est loin d'être simple. Ce sont des filtres qui emploient une combinaison de processus physiques et biologiques pour éliminer les bactéries qui rendent l'eau impropre à la consommation, donc comme E. coli par exemple. Donc en plus de la rétention des bactéries par simple effet de tamissage par le sable, un des processus qui est crucial au fonctionnement du filtre réside dans la présence, dans les premiers centimètres du filtre à la surface en fait, d'un biofilm invisible à l'œil nu qu'on appelle la couche biologique. Mm-hmm. Alors qu'est-ce que la couche biologique ? C'est une couche qui se développe au bout de 2 à 3 semaines après la construction du filtre et qui est composée en partie par certaines bactéries qui sont initialement présentes dans l'eau et qui dégradent la matière organique et digèrent les bactéries qui rendent l'eau impropre à la consommation. Donc c'est des bonnes bactéries finalement. Voilà, en fait, ils se développent une colonie de bonnes bactéries, comme vous dites, qui mangent les mauvaises bactéries. Ouais. Donc c'est un processus d'épuration qui est 100% naturel. Donc on peut dire en fait qu'il se crée comme une petite chaîne alimentaire, mm-hmm. et les mauvaises bactéries sont à la base et les bonnes bactéries sont au top de cette chaîne. Mm-hmm. Et donc c'est dans cette couche biologique que se déroule en fait la grande partie du processus d'épuration de l'eau. Et le problème, en fait, c'est que les habitants de Charco Muerto connaissaient pas l'existence de cette couche biologique. Ils avaient donc développé des pratiques qui rendaient leurs filtres inefficaces. Ouais, donc par exemple. Donc par exemple, donc on a identifié trois principales causes de non bon fonctionnement du filtre. La première, c'est que les habitants nous ont dit qu'ils nettoyaient leurs filtres tous les 1 à 3 mois en changeant le sable, en récupérant du sable nouveau de la plage, mm-hmm. et en le lavant au chlore. Donc ça pourrait être A priori, ça semble bien. Oui, a priori, c'est une bonne pratique, mais en fait, en réalité, ils détruisent ainsi totalement la couche biologique à chaque fois qu'ils lavent. Et sachant qu'il faut attendre environ 3 semaines pour que cette couche se développe, en gros, ils n'avaient pas une couche biologique efficace. Exactement. Et pour empirer en fait les choses, les filtres qu'ils avaient n'avaient pas de diffuseur d'eau sur le dessus, donc ce qui est censé, ils sont censés avoir des diffuseurs d'eau dans ces filtres en sable. C'est une sorte de tamis en fait qui ralentit l'eau qui tombe sur le sable et qui évite du coup de perturber la couche biologique qui est fragile. Mm-hmm. Et donc l'absence de ces diffuseurs a probablement aussi contribué à perturber la croissance de cette couche. Puis sinon, la dernière raison qui expliquerait l'inefficacité du filtre, c'est que le sable qui est contenu dans ces filtres n'est pas adapté en fait. C'est du sable de plage qui est assez grossier, qui est lissé par l'action des vagues. Mm-hmm. Or, il faut un sable qui est plutôt fin et pointu pour avoir une bonne efficacité de tamissage et d'absorption des contaminants dans l'eau, comme par exemple du sable volcanique. Mmh, mais il faut qu'ils en aient à leur disposition, par exemple. Oui, mais là, au Nicaragua, c'est bon, il y a 25 volcans au Nicaragua. Ah, okay. Donc ça, toutes ces trois raisons-là, bon, ça explique pourquoi les filtres ne sont pas efficaces. Mais comment expliquer que les filtres relarguent encore plus de bactéries qu'il y en a à la base? Comment expliquer la multiplication des bactéries? Donc ça, en fait, on l'a interprété... par le fait que bon, il n'y avait probablement pas de couche biologique en fait dans leur filtre, et donc du coup la matière organique est présente dans l'eau, elle n'est pas consommée par les bactéries à la surface du filtre, et donc elle s'accumule dans les profondeurs du sable. Or, on sait que la plupart des bactéries comme E. coli se nourrissent de matière organique pour croître. Donc, ce qui fait en fait que les filtres de Charco Muerto, c'était juste des milieux vraiment propices à la prolifération bactérienne. C'est un bouillon de culture, finalement. Exactement, c'est un bouillon de culture. Donc, qu'est-ce que vous avez trouvé? Là, vous avez identifié le problème. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme solution ensuite pour pallier à ce problème et aussi à mettre en œuvre une solution qui puisse être mise en œuvre sur place? Exact, c'est ça. Il a fallu vraiment réfléchir à parce que des solutions, il y en a plusieurs, mais il fallait vraiment trouver quelque chose qui est adapté au milieu tropical, facile pour les gens aussi de s'en servir, parce qu'on s'entend que, bon, Anne l'a mentionné, il n'y a pas d'électricité, donc juste ça, déjà, c'est un obstacle. Puis justement, Anne a beaucoup travaillé à faire la recherche pour trouver la solution, parce qu'elle a trouvé, c'est un organisme qui s'appelle le Centre pour l'eau abordable et la technologie d'assainissement, donc le CAWST, qui est en fait un organisme canadien qui construit des filtres, notamment au Nicaragua. C'est un filtre, le principe du filtre a été développé à l'Université de Calgary. Le CAWST a été confondé par le docteur Mans, qui en fait a mis en place cette technologie-là. Et depuis 2001, en fait, la date de création de l'organisme, ils ont construit plus de 200 000 filtres à travers 70 pays. D'expérience. Quand même. Qui est transposable dans différentes conditions. Exact. Puis donc, les filtres ont montré de un, leur efficacité. Mm-hmm. Le fait qu'on les utilise, bon, il y a déjà eu des études qui ont montré qu'ils sont très efficaces. Puis ils font aussi l'objet de quand même des spécificités puis des modes d'utilisation stricts là, qui assurent que la couche biologique est présente et tout ça. Mm. Donc, ce projet-là, cette solution-là, on l'a présentée aux habitants de Charcot-Moirton et ils l'ont acceptée. C'est important pour nous que eux, ça soit quelque chose qui soit... Oui, aussi. Ouais, exact. C'est eux qui vont l'utiliser. C'est ouais. ça. Donc, c'est un peu comme si on recommençait le projet là, à partir de là parce qu'il a fallu recommencer le financement. Recommencer toutes les idées, se casser la tête un peu là-dessus. Puis trouver aussi qui allait aller là-bas. Parce que là, c'est bien beau leur proposer une solution, mais il y a quand même une démarche les à suivre. Ouais. Pour qu'ils puissent le mettre en œuvre. Ouais. Puis il y a Camille, en fait, qui est un des participants qui était avec nous en 2011, qui est retourné à ses propres frais, à condition qu'on ait l'argent pour construire les filtres. Lui, il a dit « j'y vais », mais aidez-moi un petit peu quand même. Là. Donc, on a fait beaucoup de financement, on a vendu des cactus, on a travaillé fort là-dessus, puis on a réussi à amasser les fonds nécessaires pour construire 18 filtres à Charcot-Muerto. Donc, au moment où on se parle, le projet est en quelque sorte terminé parce que les filtres sont construits et on attend les derniers résultats là, pour s'assurer que la couche biologique est en place. Je pense que c'est quand même important de mentionner que c'est les gens là-bas qui ont initié ce projet-là. C'est eux qui ont construit les filtres, qui ont vraiment participé à chacune des étapes. Tout ça sous la supervision d'un technicien nicaraguayen qui était formé par le CAWST et qui leur a vraiment donné, dans le fond, le savoir-faire là, à ce niveau-là. Puis, ça démontre à quel point il est important pour eux ce projet-là parce qu'ils se sont vraiment appropriés à toutes les étapes. Oui. C'est sûr, même quand on était sur le terrain, nous, ils étaient autour de nous, ils posaient des questions, tout ça. Donc, puis on espère aussi que les informations que Camille leur a transmises, parce qu'il y a eu quand même une campagne d'éducation à faire à ce niveau-là, vont porter fruit. Puis on veut s'assurer, là, maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est s'assurer qu'il va y avoir un suivi, soit via AVES ou via peut-être l'Université de Managua. Là, on a encore des petits détails à régler à ce niveau-là. Mais on est content de dire que maintenant, le projet a fonctionné puis que les habitants de Charcot-Muerto ont accès à une eau potable de qualité. Ouais. Ouais. Vous devez avoir une certaine fierté quand même d'avoir mené ce travail-là à travers les embûches que vous avez rencontrées. Ouais. Et puis, pour aller au-delà de cette expérience scientifique, vous avez certainement vécu aussi une expérience humaine. Oui, bah, je pense qu'une des choses déjà qu'on a appris, c'est travailler dans des conditions vraiment tout à fait nouvelles. Alors, on est tous les membres du projet travaillent à l'INRS, on est tous scientifiques, on travaille dans des milieux très contrôlés en laboratoire. Puis là, on s'est retrouvés un peu au milieu de la jungle avec notre matériel scientifique, à essayer de reproduire nos bonnes pratiques de laboratoire dans des conditions qui étaient vraiment exotiques, là, à 40 degrés, entourés toujours d'une dizaine d'enfants qui sont très curieux, qui veulent toujours toucher à tout, des animaux aussi qui n'étaient pas toujours très amicaux. C'est ça, on a dû aussi donc s'adapter au rythme de vie des gens de la communauté. En fait, en arrivant, on est arrivé avec un planning ultra rigoureux pour être les plus efficaces possibles. Puis les gens de la communauté nous ont dit qu'il fallait se détendre un petit peu, qu'ils n'allaient pas pouvoir nous suivre dans notre rythme et qu'ils avaient aussi leur activité de leur côté. Là, la vie, ça ne tournait pas autour de nous non plus. Donc, on a fini par s'adapter aussi au rythme de vie de la communauté. Puis c'est vraiment cette dimension humaine, moi, qui a rendu au final que c'était vraiment une aventure très enrichissante là, pour chacun d'entre nous. Oui, puis quelque chose notre étape qu'on a appris aussi, c'est que l'importance que ces projets-là, dans le fond, leur réussite est conditionnée à la prise en charge du projet par les gens de la place. Ouais. En fait, on peut proposer plein de solutions, mais si ça ne leur convient pas, c'est quelque chose qui va rester inutilisé. Oui, c'est ça. S'ils ne sont pas capables de le mettre en œuvre, s'ils ne comprennent pas comment ça marche, exact. Ou s'ils ne sont pas capables de le renouveler eux-mêmes par des matériaux, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais en bout de ligne. Ouais, on a vu plein d'exemples. Si on regarde la coopération internationale, on voit beaucoup d'exemples de ça. Puis aussi, on a appris que l'éducation, c'est vraiment une étape importante pour aller de l'avant vers des actions vraiment indépendantes et locales. Là, les gens de Charcot-Muerto sont allés chercher tout ce savoir-faire-là. Puis il y a d'autres, ils font partie d'un réseau de coopératives agricoles. Puis on espère que, comme il y a d'autres coopératives qui sont intéressées par le projet, que ça va être eux maintenant qui vont pouvoir initier ce projet-là dans les autres communautés du regroupement. Ouais. Puis que là, ça va être leur projet à eux et non plus un projet là, avec des Canadiens qui débarquent chez eux. Oui, c'est ça. Donc, dans ce projet-là, d'abord, félicitations pour l'avoir mené à bien. Puis, c'est vraiment bien que maintenant, ces personnes-là, là-bas, sur le bord du lac, de cette grosse réserve d'eau potable, finalement, d'eau potentiellement potable, oui. puissent effectivement purifier leur eau. Donc, vous avez bénéficié de l'aide de l'INRS, d'AVES, oui. Mais vous n'avez pas fait ça tout seul non plus. Non, bah, c'est ça. On a vraiment eu beaucoup, beaucoup d'aide et on est vraiment très reconnaissants. Bah, déjà, c'est sûr, AVES, l'INRS, donc le directeur de l'INRSET nous a vraiment beaucoup aidés. Puis, on a eu aussi beaucoup de commanditaires. Puis, on aimerait remercier tout le monde. Là, ça prendrait vraiment beaucoup de temps, mais si vous voulez, on a un site internet, là, ça s'appelle Au Nicaragua Attaché, alors O-E-E-A-U, .ete.inrs.ca. Et donc là, on a la liste des commanditaires, on a aussi plein de photos de la communauté, de la construction des filtres et des membres du projet, donc ça peut aussi apporter aussi un petit peu plus de visuel. Absolument, à cette aventure. Oui. Puis j'imagine que après un mois là-bas, vous parlez espagnol couramment. Moi, non. Moi, oui. Valérie, c'est pas la première fois qu'elle va au Nicaragua. Non, c'est ça. Elle connaissait déjà plusieurs fois. Ouais. Bah, c'était un projet très intéressant. Je vous remercie beaucoup d'être venu nous le raconter. Merci de bonne continuation. Puis pourquoi pas espérons que ce projet fasse des petits. On l'espère aussi. Merci beaucoup. Merci.